Troisième journée, chapitre 5. Pierre marcha, dans un besoin d'air pur, la tête si lourde qu'il s'était découvert pour rafraîchir son front brûlant. Malgré la fatigue de cette terrible nuit de veille, il ne songeait point à dormir, tenu debout par la révolte de tout son être qui ne se calmait pas. 8 heures sonnaient. Et il allait au hasard sous le glorieux soleil matinal, resplendissant dans un ciel sans tache que l'orage semblait avoir lavé des poussières du dimanche. Mais brusquement, il leva la tête avec l'inquiétude de savoir où il était, et il s'étonna, car il avait fait déjà du chemin. Il se trouvait en bas de la gare, près de l'hospice municipal. Il hésitait à la bifurcation de 2 routes, ne sachant laquelle prendre, lorsqu'une main amie se posa sur son épaule. « Où donc allez-vous à cette heure ?» C'était le docteur Chassaigne, redressant sa haute taille, serrée dans sa redingote, tout vêtu de noir. « Êtes-vous donc perdu ? Avez-vous besoin de quelques renseignements ?»« Non, non, merci, » répondit Pierre, troublé. « J'ai passé la nuit à la grotte avec cette jeune malade qui m'est chère. Et je me suis senti le cœur brouillé d'un tel malaise que je me promène pour me remettre, avant de rentrer me coucher un instant à l'hôtel. » Le docteur continuait à le regarder, lisait clairement en lui son affreuse lutte, son désespoir de ne pouvoir s'endormir dans la foi, toute la souffrance de son effort inutile. « Ah, mon pauvre enfant » murmura-t-il. Puis, paternellement, « Eh bien, puisque vous vous promenez, voulez-vous que nous nous promenions ensemble ? Je descendais justement de ce côté, au bord du Gave. Venez donc, et vous verrez au retour quel horizon merveilleux !» Lui, chaque matin, marchait ainsi pendant 2 heures, toujours seul, fatiguant son deuil. Il allait d'abord, dès son lever, s'agenouiller au cimetière sur la tombe de sa femme et de sa fille, qu'il garnissait de fleurs en toute saison. Et il battait ensuite les chemins, emportait ses larmes, ne rentrait déjeuner que brisé de fatigue. D'un geste, Pierre avait accepté. Tous deux descendirent la route en pente, côte à côte, sans une parole. Longtemps ils se turent. Ce matin-là, le docteur paraissait plus accablé que de coutume, comme si la causerie avec ses chairs mortes lui eût fait saigner le cœur davantage. Dans son visage pâle, encadré de cheveux blancs, son nez d'aigle s'abaissait, tandis que des larmes noyaient encore ses yeux. Et il faisait si bon, si doux au grand soleil, par cette admirable matinée. Maintenant, la route suivait le bord du Gave, sur la rive droite, de l'autre côté de la ville nouvelle. On apercevait les jardins, les rampes, la basilique. Puis, ce fut la grotte qui apparut, en face, avec le brasillement continu de ses cierges que le grand jour pâlissait. Le docteur Chassaigne, qui avait tourné la tête, fit un signe de croix. Pierre ne comprit pas d'abord. Puis, quand il eut vu la grotte à son tour, il regarda avec surprise son vieil ami. Il retomba à son étonnement de l'avant-veille, devant cet homme de science, athée et matérialiste, que la douleur avait foudroyé et qui croyait à présent, pour l'unique joie de revoir dans une autre vie ses chairs mortes tant pleurées. Le cœur avait emporté la raison. L'homme vieux et seul ne vivait plus que de l'illusion de revivre au paradis où l'on se retrouve. Et le malaise du jeune prêtre en fut accru. Devrait-il donc attendre de vieillir et d'endurer une souffrance égale pour trouver enfin un refuge dans la foi? Ils continuèrent à marcher, à s'éloigner de la ville, le long du Gave. Ils étaient comme bercés par ses eaux claires, roulant sur des cailloux, entre des berges plantées d'arbres. Et ils se taisaient toujours, allant d'un pas égal, perdus chacun dans sa tristesse. « Et Bernadette ?» demanda tout d'un coup Pierre. « L'avez-vous connue ?» Le docteur leva le front. « Bernadette ?»« Oui, oui, je l'ai vue une fois, » plus tard. » Il retomba un instant dans son silence, puis il causa. « Vous comprenez, en 1858, au moment des apparitions, j'avais 30 ans. J'étais à Paris, jeune médecin, ennemi de tout surnaturel. Et je ne songeais guère à revenir dans mes montagnes pour voir une hallucinée. Mais 5 ou 6 ans plus tard, vers 1864, j'ai passé par ici, et j'ai eu la curiosité de rendre une visite à Bernadette, qui était encore à l'hospice, chez les sœurs de Nevers. » Pierre se rappela que son désir de compléter son enquête sur Bernadette était une des raisons de son voyage à Lourdes. Et qui savait si la grâce ne lui viendrait pas de l'humble et adorable fille, le jour où il serait convaincu de la mission de pardon divin qu'elle avait remplie sur la terre. Il lui suffirait peut-être de la mieux connaître, de se persuader qu'elle était bien la sainte et l'élue. « Parlez-moi d'elle, je vous en prie. Dites-moi tout ce que vous savez. » Un faible sourire monta aux lèvres du docteur. Il comprenait. Il aurait voulu calmer cette âme de prêtre, torturée par le doute. « Oh, bien volontiers, mon pauvre enfant. Je serais si heureux de vous aider à faire la lumière en vous. Vous avez raison d'aimer Bernadette. Cela peut vous sauver. » Car j'ai réfléchi depuis ces choses déjà anciennes, et je déclare que je n'ai jamais rencontré de créature si bonne et si charmante. » Alors, au rythme lent de leur marche, par la belle route ensoleillée et dans la fraîcheur exquise du matin, le docteur conta sa visite à Bernadette en 1864. Elle venait d'avoir 20 ans. Il y avait 6 ans déjà que les apparitions s'étaient produites, et elle le surprit par son air simple et raisonnable, sa modestie parfaite. Les sœurs de Nevers, qui lui avaient appris à lire, la gardaient avec elle à l'hospice pour la défendre contre la curiosité publique. Elle s'y occupait, les aidait dans des besognes infimes, était d'ailleurs si souvent malade qu'elle passait des semaines au lit. Ce qui le frappa, surtout en elle, ce furent ses yeux admirables, d'une pureté d'enfance, ingénus et francs. Le reste du visage s'était un peu gâté, le teint se brouillait, les traits avaient grossi, et à la voir, elle n'était guère qu'une fille de service comme les autres, petite, effacée et chétive. Sa dévotion restait vive, mais elle ne lui avait pas paru l'extatique, l'exaltée qu'on aurait pu croire. Au contraire, elle montrait plutôt un esprit positif, sans en voler aucune, ayant toujours à la main un petit travail, un tricot, une broderie. En un mot, elle était dans la voie commune, elle ne ressemblait en rien aux grandes passionnées du Christ. Jamais plus elle n'avait eu de vision, et jamais, d'elle-même, elle ne causait des 18 apparitions qui avaient décidé de toute sa vie. Il fallait qu'on l'interrogeât, qu'on lui posât une question précise. Brièvement, elle répondait, tâchait ensuite de rompre l'entretien, n'aimant pas à parler de ces choses. Lorsqu'on voulait pousser plus avant, qu'on lui demandait la nature des 3 secrets dont elle avait reçu la divine confidence, elle se taisait, détournait les yeux. Et il était impossible de la mettre en contradiction avec elle-même. Toujours les détails qu'elle donnait demeuraient conformes à sa version première. Elle semblait en être venue à répéter strictement les mêmes mots avec les mêmes sons de voix. « Je l'ai tenue pendant toute une après-midi, » continua le docteur, « et elle n'a pas varié d'une syllabe. C'était déconcertant. Je jure bien qu'elle ne mentait pas, qu'elle n'a jamais menti, incapable de mensonge. » Pierre osa discuter. « Mais, docteur, ne croyez-vous pas à une maladie possible de la volonté? N'est-il pas acquis aujourd'hui que certaines dégénérées, les enfantines, frappées d'un rêve, d'une hallucination, d'une imagination quelconque, ne peuvent s'en dégager, surtout lorsqu'elles sont maintenues dans le milieu où le phénomène s'est produit? Bernadette cloîtrée, Bernadette ne vivant qu'avec son idée fixe, s'y entêtait naturellement. Le docteur retrouva son faible sourire. Et avec un grand geste vague, « Ah, mon enfant, vous m'en demandez trop long. Vous savez que je ne suis plus qu'un pauvre vieil homme, très peu fier de sa science, et qui n'a plus la prétention de rien expliquer. Oui, je connais le fameux exemple de clinique, la jeune fille qui se laissait mourir de faim chez ses parents en se croyant atteinte d'une grave maladie de l'estomac, et qui mangea lorsqu'on l'eut déplacée. Seulement, que voulez-vous? Ce n'est qu'un fait, et il y a tant d'autres faits contradictoires. » Un instant, ils se turent. On entendait sur la route que le bruit cadencé de leurs pas. Puis le docteur reprit. D'ailleurs, il est bien vrai que Bernadette fuyait le monde, n'était heureuse que dans son petit coin de solitude. On ne lui a jamais connu une amie intime, une tendresse humaine particulière. Elle était également douce et bonne envers tous, ne montrait d'affection vive que pour les enfants. Et comme le médecin, quand même, n'est pas mort complètement en moi, vous avouerai-je que je me suis parfois inquiétée de savoir si elle était restée vierge d'esprit, ainsi qu'elle l'a été sûrement de corps. C'est fort possible, car remarquez qu'elle était d'un tempérament lent et chétif, malade presque toujours, sans parler du milieu innocent où elle a grandi. Par 13 d'abord, le couvent ensuite. Pourtant, un doute m'est venu, lorsque j'ai appris le tendre intérêt qu'elle portait à l'orphelinat bâti par les sœurs de Nevers sur cette route même. On y reçoit les petites filles pauvres, on les y sauve des périls de la rue. Et si elle le voulait très grand, pouvant contenir toutes les brebis en danger, n'était-ce pas qu'elle se souvenait d'avoir battu les chemins pieds nus, tremblante encore à l'idée de ce qu'elle aurait pu devenir sans le secours de la Sainte Vierge? Il continua. Il dit les foules accourues qui venaient contempler et vénérer Bernadette. C'était pour elle une fatigue considérable. Pas une journée ne se passait sans qu'un flot de visiteurs se présentât. Il en débarquait de tous les points de la France, de l'étranger même, et il fallait bien écarter les simples curieux. On admettait près d'elle que les vrais fidèles, les membres du clergé, les gens de marque, qu'on ne pouvait décemment laisser à la porte. Une religieuse était toujours présente pour la protéger contre les indiscrétions trop vives, car les questions pleuvaient, on l'épuisait à lui faire raconter son histoire. Des grandes dames se jetaient à genoux, baisaient sa robe, auraient voulu en emporter un lambeau, comme une relique. Elle devait défendre son chapelet, que toutes, exaltées, la suppliaient de leur vendre, très cher. Une marquise tenta de le conquérir en lui en donnant un autre qu'elle avait apporté, à la croix d'or, au grain de perles fines. Beaucoup espéraient qu'elle consentirait à faire devant elle un miracle, et on lui amenait des enfants à toucher, on la consultait sur des maladies, on tâchait d'acheter son influence certaine sur la Sainte Vierge. De grosses sommes lui furent offertes, on l'aurait comblée de présents royaux, au moindre signe, si elle avait témoigné le désir d'être une reine, ornée de pierreries et couronnée d'or. Les humbles restaient à genoux sur le seuil, les grands de la terre se pressaient à son entour. Ce serait fait gloire de lui servir d'escorte. Même, on raconta qu'il y en eut un, le plus beau et le plus riche des princes, qui vint, par un clair soleil d'avril, la demander en mariage. « Mais, interrompit Pierre, ce qui m'a toujours frappé et déplu, c'est ce départ de Lourdes à 22 ans, c'est cette disparition brusque, cet emprisonnement dans le couvent de Saint-Gildard à Nevers, d'où elle n'est jamais ressortie. Cela ne donnait-il pas prise au bruit de folie qui ont faussement couru? Ne s'exposait-on pas à ce qu'on supposa qu'on l'enfermait, qu'on la faisait disparaître, par crainte d'une indiscrétion de sa part, d'une parole naïve qui aurait livré le secret d'une longue supercherie? Et, pour dire le mot brutal, vous l'avouerai-je, Moi-même, je crois encore qu'on l'a escamoté. » Le docteur Chassaigne hocha la tête doucement. « Non, non, en toute cette affaire, il n'y a jamais eu d'histoire arrêtée à l'avance, de gros mélodrames réglés dans l'ombre, joués ensuite par des acteurs plus ou moins conscients. Les choses se sont produites d'elles-mêmes, par la seule force des faits, et elles ont toujours été très complexes, d'une analyse fort délicate. » Ainsi, il est certain que Bernadette fut la première à désirer quitter Lourdes. Les continuelles visites la fatiguaient. Elle était mal à l'aise au milieu de ses adorations bruyantes. Elle ne souhaitait qu'un coin d'ombre où elle pût vivre en paix. Et son désintéressement, parfois, devenait si farouche qu'elle jetait par terre l'argent qu'on lui remettait, dans le but pieux d'une messe à dire ou simplement d'un cierge à faire brûler. Jamais elle n'accepta rien pour elle, ni pour sa famille, qui resta pauvre. Avec une telle fierté, une telle simplicité naturelle, si désireuse d'effacement, on comprend très bien qu'elle ait voulu disparaître, se cloîtrer à l'écart, afin de se préparer à une bonne mort. Son œuvre était faite, cet extraordinaire mouvement qu'elle avait mis en branle, sans trop savoir pourquoi ni comment. Et elle n'était vraiment plus utile. D'autres allaient conduire l'affaire et assurer le triomphe de la grotte. « Mettons qu'elle soit partie d'elle-même, » dit Pierre. « Mais quel soulagement pour les gens dont vous parlez, ceux qui, dès lors, ont été les seuls maîtres sous la pluie des millions tombant du monde entier. » « Ah, certes, je ne prétends pas qu'on l'ait retenue, » s'écria le docteur. « Franchement, je crois même qu'on l'a un peu poussée. Elle finissait par être embarrassante. Non pas qu'on redoutât de sa part des confidences fâcheuses, mais songez qu'elle n'était guère décorative, timide à l'excès, très souvent alitée, et puis si peu de place qu'elle tint à Lourdes, si obéissante qu'elle se montra. Elle était une puissance. Elle attirait les foules, ce qui faisait d'elle comme une concurrence à la grotte, pour que la grotte restât seule, resplendissante dans sa gloire. Il était bon que Bernadette s'effaçât, ne fut plus qu'une légende. Telles furent sans doute les raisons qui déterminèrent l'évêque de Tarbes, Monseigneur Laurence, à hâter le départ. On eut seulement le tort de dire qu'il s'agissait de l'arracher aux entreprises du monde, comme si l'on eût redouté qu'elle pût commettre le péché d'orgueil en s'abandonnant à la vanité de cette renommée sainte dont la chrétienté entière retentissait. Et cela était lui faire une grave injure, car elle était incapable d'orgueil, comme de mensonge. Jamais il n'y a eu d'enfant plus simple ni plus modeste. Il se passionnait, s'exaltait. Brusquement, il se calma, eut de nouveau son pâle sourire. C'est vrai, je l'aime. Plus j'ai songé à elle, plus je l'ai aimée. Mais voyez-vous, Pierre, il ne faut pas que vous me jugiez complètement abêti par la croyance. Si je fais aujourd'hui la part de l'au-delà, si j'ai le besoin de croire à une autre vie meilleure et plus juste, je sais qu'il reste les hommes en ce bas monde. Et même lorsqu'ils portent le froc ou la soutane, leur besogne y est parfois abominable. Il y eut encore un silence. Chacun rêvait de son côté. Et il reprit. « Je veux vous dire une imagination qui m'a hanté souvent. Admettez que Bernadette ne fût pas cet enfant simple et farouche. Donnez-lui un esprit d'intrigue et de domination. » Faites d'elle une conquérante, une directrice de peuple, et tâchez d'évoquer ce qui se serait passé alors. Évidemment, la grotte serait à elle, la basilique serait à elle. Nous la verrions trôner dans les cérémonies, sous un dais, avec une mitre d'or. Ce serait elle qui distribuerait les miracles, dont la petite main conduirait les foules au ciel d'un geste souverain. Elle rayonnerait, étant la sainte, l'élue, celle qui seule a contemplé la divinité face à face. Et, en somme, rien ne paraîtrait plus juste. Elle serait au succès après avoir été à la peine. Elle jouirait glorieusement de son œuvre. Tandis que, vous le voyez, elle est frustrée, dévalisée. Les moissons merveilleuses qu'elle a semées, ce sont d'autres qui les coupent. Pendant les 12 années qu'elle a vécu à Saint-Gildard, agenouillée dans l'ombre, il y avait ici des victorieux, des prêtres en habit d'or, chantant des actions de grâce, bénissant des églises et des monuments bâtis à coups de millions. Elle seule a manqué au triomphe de la foi nouvelle dont elle a été l'ouvrière. Vous dites qu'elle a rêvé? Ah, quel beau rêve qui a remué tout un monde et dont elle, la chère créature, ne s'est éveillée jamais. Ils s'arrêtèrent. Ils s'assirent un instant sur une roche au bord de la route avant de revenir vers la ville. Devant eux, le gave, profond à cet endroit, roulait des eaux bleues, moirées de reflets sombres. Tandis que, plus loin, coulant largement sur un lit de gros cailloux, il n'était plus qu'une écume, une mousse blanche, d'une légèreté de neige. Un air frais descendait des montagnes dans la pluie d'or du soleil. Pierre n'avait trouvé qu'un nouveau sujet de révolte en écoutant cette histoire de Bernadette exploitée et supprimée. Et les yeux à terre, il songeait à l'injuste nature, à cette loi qui veut que le fort mange le faible. Puis, relevant la tête, « Et l'abbé Peyramale, vous l'avez connu aussi ?» Les yeux du docteur se rallumèrent, il répondit vivement « Certes, un homme droit et fort, un saint, un apôtre. Il a été, avec Bernadette, le grand ouvrier de Notre-Dame de Lourdes. Comme elle, il en a souffert affreusement. Et comme elle, il en est mort. On ne sait rien, on ne comprend rien au drame qui s'est passé ici, si l'on ne connaît pas cette histoire. »